J'suis dans le quartier, lunettes quartier. Comme mon sang, j'ai tout est carré. Que de robier, tout est calé. Dans le cendrier, j'suis de manœuvre. J'fidélise la clientèle, faut plus que la veille. J'ai vidé la taille, mais j'veux partir en paix. Non, j'vais pas la fiancer, j'ai cœur piraté. J'ai vidé la taille, ma chérie, on vit la nuit. J'ai passé mon temps dans le sale. J'ai mis la peçue dans le 5. Bonbonne de séjour plus que j'ai char du local. J'suis dans le classe SAMG, j'remercie le sale. J'suis marié à la street. J'suis marié à la street. J'suis marié à la street. J'suis marié à la street. Salam ou bien salut, on s'est quitté sur ces mots. Il faut plus d'un million d'euros pour soigner mes mots. En bas, on dérue, fais c'est ta tête dans le bas. Gucci Fen, dis ça fait d'autant bas. Tu te la dé, genre le bain tire dans le tas. Toujours pas sorti de la demeure. J'vends 09, toujours pas lavé sur la mer. Ah, je comptais violer par milliers. J'veux que du neuf, à l'ancienne 5 suffisait. J'ai pas changé depuis billet vert. J'ai 2-3 meurs pour te faire. J'ai 2-3 qui t'habillent vert. J'ai 2-3 amis sous terre. J'suis marié à la street.